À l'occasion du 5e anniversaire du décès du dirigeant Kim Jong-il, le chef de l'Organisation italienne d'amitié et de soutien avec la Corée et le vice-président du Parti pour la patrie libre du Brésil ont publié les entretiens. Ils y ont noté que le dirigeant Kim Jong-il a consacré toute sa vie pour le bonheur du peuple et la réunification nationale et accompli des exploits mortels pour l'œuvre d'émancipation de l'humanité.